la perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Une chose qui console de vieillir et qui même y fait trouver de l'agrément, c'est de savoir, d'année en année, plus et mieux, et de voir plus clairement choses, gens et soi-même, disait Paul Léoto. Paul Léoto, dont nous suivons dans les Nuits de France Culture les entretiens qu'il accorda à la fin de 1950 et au début de 1951 à Robert Mallet pour la radiodiffusion française. Paul Léoto, pas un anarchiste, un individualiste pour le moins. Les sarcasmes, les moqueries et son regard sur les autres, sur les auteurs de théâtre, sur les écrivains, Rémy de Gourmont, André Billy, André Rouvert, sur sa rencontre avec Apollinaire, quelques compliments, puis le reste. « Je ne dis pas avoir le don de l'amitié, puisque je dis du mal même de mon premier ami. À vous, avec plaisir, Paul Léoto. » Entretien Paul Léoto, Robert Mallet, la suite. La radiodiffusion française présente... Entretien avec Paul Léoto. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Eh bien, maintenant que nous avons parlé des auteurs, j'aimerais que vous disiez quels ont été, à vos yeux, les grands animateurs du théâtre en France pendant les 25 dernières années de ce siècle. Quand je dis les grands animateurs, je veux parler des directeurs et metteurs en scène. Je ne sais pas si ma question est précise, elle ne le paraît pas. Voudrais savoir, par exemple, ce que vous pensez d'Antoine. Ah, je trouve que c'est un homme très important dans l'histoire du théâtre. Mais vous avez dit de lui, c'est un directeur remarquable, un homme de théâtre extraordinaire. Une fois même, vous avez dit, c'est un merveilleux homme de théâtre. Oui, oui, oui. Je voudrais savoir ce que vous trouviez de plus méritoire dans l'effort de rénovation théâtrale d'Antoine. Ah ben, n'est-ce pas, il a introduit un naturel dans le jeu des acteurs. Ainsi, avant lui, certainement, jamais on n'avait osé jouer le dos tourné au public. Lui, il a trouvé que, bon, du coup, la situation... L'exigeait, oui. Quand le naturel, même, l'exigeait, il n'y avait pas à hésiter. Et je me rappelle que le Bargy, qui avait été voir un jour une représentation d'Antoine, le Bargy, qui était un sociétaire en pesé au possible, la comédie française, a dit, c'est tout de même intéressant. Vous voyez, ça avait tout de même frappé même des sociétaires de la comédie française. C'est donc cet effort vers le réalisme, oui, qui vous a touché d'abord chez Antoine. Pas touché. Enfin, qui vous a intéressé. Vous introduisez toujours le sentiment. Oh, mais il n'y a pas de sentiment touché. Dans le mot touché. Intéressé, on peut toucher quelque chose sans y mettre du sentiment. Mais on peut être touché. Non, intéressé. Eh bien alors, c'est donc cet effort vers le réel qui vous a intéressé. Oui, d'abord et que j'ai approuvé. Mais n'y a-t-il pas d'autres manifestations de cet effort qui vous ait plu, qui vous ait convenu? Oh, vous savez, je n'ai... Cette espèce d'amoralisme qu'il a introduit... Mais il n'y a pas d'amoralisme. Mais non, enfin, je veux dire qu'il n'a plus tenu compte de la portée d'édification des pièces et qu'il a joué ce qui lui paraissait être valable sur le plan artistique uniquement. Oui, maintenant, vous savez qu'Antoine était surtout un metteur en scène. Il s'est ruiné à ça. Moi, j'ai vu les spectacles de lui, représentés à la Lyon, même avec des pièces, enfin, d'une valeur, si vous voulez, très secondaire, comme une pièce qui s'intitulait Rachel, que je ne sais plus qui. C'était prodigieux, la mise en scène. Prodigieux. Et je crois que vous avez toujours apprécié la mise en scène des pièces de Molière, qu'il a faites, justement, à la Lyon. Ah oui, aussi. Notamment le Malade imaginaire. Ah oui, étonnant. Alors que le malade imaginaire à la Comédie Française ne vous plaisait pas. Ouais. Et je voudrais savoir si dans les pièces que vous avez vues, les pièces qu'a montées Antoine, il n'y en a pas qui vous ait paru représenter essentiellement ce que vous cherchez dans le théâtre. Vous n'en avez pas à la mémoire. Non, n'est-ce pas ? J'ai vu à l'Odéon une troupe d'Antoine qui était composée de ce que, alors, j'estime que doit être le vrai comédien. Le même acteur était capable de jouer la tragédie, la comédie et le vaudeville à couplet. Ainsi, il y a un homme au théâtre français en ce moment-ci qui s'appelle Denis Dinès, qui à l'Odéon était il jouait tout. Tout, même chanter. C'est ça le comédien. Et vous avez l'impression qu'Antoine avait justement aidé à cette réussite d'un comédien. Oui. Par les nouvelles idées qu'il émettait sur le théâtre. Oui. Ainsi, à la Comédie Française, n'est-ce pas, chaque acteur est tenu dans ce qu'on appelle les grimes, les premiers rôles, n'est-ce pas, le troisième rôle, tout ça. Antoine disait un comédien, et il avait rien, un comédien était capable de tout jouer. Molière professait la même chose. Du temps de Molière, Molière jouait la tragédie pour Beurre de Scapin et des pièces lyriques. Pour vous, un bon comédien est celui qui doit savoir s'adapter à toutes les circonstances, non seulement de la vie, mais à tous les rôles, à tous les emplois. Absolument, oui. Et qui ne doit pas se figer dans un emploi. C'est ce que vous reprochez surtout aux acteurs de la Comédie Française. Oui, je ne sais plus aujourd'hui. Mais enfin, mais ça doit être la même chose. Antoine eut un successeur au théâtre qui portait son nom, c'était Gémier. Oui. Et encore un gaillard, oui. Mais j'aimerais aussi que vous nous parliez de Lugne-Peau. Ah, Lugne-Peau est remarquable dans les pièces d'Ibsen. Vous l'aimiez d'abord comme... Pardon, il vous intéressait d'abord comme acteur. Oui. Et ensuite comme metteur en scène. Oui, si vous voulez, mais enfin, la mise en scène à l'œuvre était bien secondaire, vous savez. Il est un autre metteur en scène dont vous dites le plus grand bien, Jacques Copeau. Oui. Tout ça sont des gens qui ont marqué énormément au théâtre. Dès 1913, l'année de la fondation du Vieux Colombier, vous écrivez « Le théâtre du Vieux Colombier a su marquer sa place et susciter un réel intérêt ». Oui. Vous confirmez ce que vous dites. Oui, vous pensez que le rôle de Jacques Copeau a été lui aussi très important. Oui. En ce qui concerne Charles Dullin, élève de Copeau, pourtant vous êtes très sévère. Oui. Vous l'accusez tout simplement d'avoir trahi Beaumarchais. Oui. En le montant à la Comédie Française, et vous exprimez votre mécontentement en 1939 dans une de ces chroniques dramatiques exceptionnelles que vous avez rédigées alors. Vous vous êtes irrité des innovations apportées par Dullin à la mise en scène du mariage de Figaro. Pour vous, cette mise en scène doit demeurer traditionnelle et ne pas détourner l'attention d'un texte qui se suffit à lui-même. Oui. Je vous dirais que le coupable dans cette affaire-là, c'est défunt M. Édouard Bourdet. Quand M. Édouard Bourdet a pris la direction de la Comédie Française, il s'est mêlé d'introduire au théâtre français comme metteur en scène des artistes du dehors. Il y avait par exemple M. Batty, il y avait M. Dullin, il y avait M. Jouvet. Il doit y en avoir un autre dont le nom ne me revient pas. Metteur en scène venu du dehors. Lesquels retouchent en Barbet. Mais pourquoi lui faites-vous cette critique, étant donné que vous reprochez justement à la Comédie Française de s'être beaucoup trop cristallisée, d'être empesée? Ah, mais non, enfin, écoutez, tout de même, on n'a pas le droit de modifier les œuvres. Les modifications apportées aux œuvres sont peut-être coupables, mais le fait d'avoir introduit des metteurs en scène extérieurs à la Comédie Française... Non, c'est une hérésie. Jamais ça ne s'est produit, ça ne devait pas se produire. La preuve, c'est que le successeur... Je ne parle pas de M. Baudoyer, mais le successeur actuel, lui, il revient et il dit, moi j'ai un théâtre qui est d'un certain caractère, je dois être soumis à ce caractère. Songez qu'on a joué à la Comédie Française, le chandelier de Musset, avec un dénouement changé. Qu'on a joué le mariage de Figaro, sous l'inspiration de M. Dullin, en farandole. Qu'on a joué le misanthrope, avec la scène des petits marquis, lisant chacun les billets qu'ils ont reçus de Célimène, en ballet. Les petits marquis dansaient en lisant leurs billets de Célimène. Vous avouez tout de même, enfin, si Molière avait voulu faire danser ces petits marquis, il les aurait fait danser. Non. Je suis de votre avis, mais je ne trouve pas que ce qu'a tenté Bourdet ait été fâcheux par principe. Oh, écoutez, mon cher, alors... Le résultat a peut-être été moins bon que... Mais il a toléré, tout de même. Il était l'administrateur de la Colombie française. C'était une tentative. Mais non, une tentative de changer le dénouement de Chandelier. Comment, qu'est-ce que c'est que ça, alors? Mais non, mais vous restreignez au cadre des pièces. Je parle du principe. Il était bon que l'on innove aux Français. Non, non, je ne marche pas. Peut-être, mais de tâcher d'y apporter des éléments extérieurs. Non. Je sais bien que vous ne marchez pas. D'ailleurs, voici ce que vous avez dit dans une de vos chroniques. On devrait renvoyer à leur théâtre personnel ces messieurs introduits, sans qu'on sache pourquoi, à la Comédie française, qui l'un arrange ainsi le mariage de Figaro, qui l'autre allonge le chandelier, qui l'autre encore fait danser les marquis de Misanthrope. Au train dont ils vont, et si on y met ordre, nous verrons un jour le chauffage central dans la Var transformé ainsi en prodigue. Mais oui. Et vous ajoutez, vous qui êtes le partisan de la liberté à tout prix, le ministre actuel aurait pu défendre de jouer le mariage de Figaro selon la conception de M. Charles Dullin, par mesure de respect littéraire et artistique. Ouais. C'était sans doute pour défendre la liberté qu'à vos yeux doivent conserver les spectateurs, de voir une œuvre dans son intégrité, c'était sans doute pour défendre cette liberté que vous aviez l'air de la contrebattre. Écoutez, j'ai passé, enfin je peux dire, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai passé presque toute ma vie à la Comédie française, dans le couloir, au milieu des artistes, tout ça. Il y avait tout de même des gens, enfin, qui avaient un renom comme comédien, si vous voulez. Ils jouaient d'une certaine façon, n'est-ce pas? Peut-être que la tradition chez eux les rendait un petit peu monotones. Mais enfin, j'ai vu des gens comme Delaunay, comme Mounet-Sully, comme dire, n'est-ce pas? Et avec un accent de sincérité, nous sommes les serviteurs de Molière. Eh bien... Vous dites dans vos chroniques à propos de... Mounet-Sully, que ce ne sont pas seulement des serviteurs de Molière, mais que ce sont des serviteurs de l'État. Et vous leur en faites grief, je vous le rappelle. Ouais. Vous dites que ce sont de simples fonctionnaires qui, pour eux, eh bien, rien n'est intéressant que de toucher finalement à la fin du mois... Je ne sais pas si j'ai écrit ça, en tout cas, n'est-ce pas? Ce que je dis, c'est que ces gens-là, vraiment, avec un accent de sincérité, disaient « Nous sommes des serviteurs de Molière ». Eh bien, sous M. Édouard Bournet, on n'a vu que des traîtres à Molière. Non, voilà. Je remarque que vous critiquez la Comédie française quand elle est trop réactionnaire et que vous la critiquez quand elle est trop révolutionnaire. Non, je reconnais qu'il y a, si vous voulez, n'est-ce pas, comment, je ne sais pas, une certaine convention, enfin, je ne sais pas aujourd'hui, je parle de la Comédie française que j'ai connue, qu'il pouvait y avoir une certaine convention dans le jeu des sociétaires. Ouais. Mais enfin, ils jouaient des textes exacts et complets. Jamais à cette époque-là, ce serait permis de modifier le texte d'une pièce de Molière. Jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, c'est honteux. En somme, pour vous, les bonnes pièces, ne vieillissant pas, n'ont pas besoin d'être rajeunies, ni d'être mises à ce qu'on appelle le bout et du jeu. Et enfin, écoutez, nous en revenons toujours à ceci, à tort ou à raison, la Comédie française, si vous voulez, c'est un musée dramatique. Non, le mot musée enfin. Est assez péjoratif. Bah. Il me semble que ce qui est dramatique ne peut pas correspondre à un musée, ou bien que c'est du mauvais art dramatique. Il est certain qu'on a le droit, peut-on d'ailleurs faire autrement, d'imprimer à une pièce la marque de l'époque à laquelle on la joue. Écoutez, ce qui ne signifie pas forcément qu'on la trahisse. Non, non, non, non, non, non, je ne marche pas du tout avec vous là-dessus. Non, non, non, non. Alors, dans ce cas-là, vous pourriez aussi admettre qu'on fragmente une tragédie de Racine. Enfin, je sais pas. Ah non, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'approuve pas du tout. Je ne prouve pas du tout les transformations qu'on a fait subir au mariage de Figaro, l'introduction de la musique dorique, qui en effet n'était pas prévue par Beaumarchais. Oui, mais je trouve néanmoins que les metteurs en scène ont le devoir de concilier le goût de leur époque avec celui de l'auteur. Songez-moi, j'ai vu jouer au théâtre Pigalle, Tartuffe, avec un personnage en plus. Hein? Ah, ceci est un con. Mais c'était pas à la Comédie française. Non. Oui, mais alors ça... En somme, il faut que les metteurs en scène aient le sens des nuances, de la mesure, du tact, et aussi, ce qui leur manque souvent, une capacité d'effacement assez grande. Et puis enfin, écoutez, vous pourriez ajouter le respect des textes. Évidemment. Ah, tout de même. Ben, je ne sache pas que l'on transforme les textes... Quand je vous dis qu'on a tronqué le dénouement du chandelier... On l'a tronqué, mais on ne l'a pas transformé. On l'a raccourci. Oui, c'est moins grave que de le transformer. Oh, écoutez, vous êtes... Mais non, je ne défends pas ce procédé, je vous dis que... Oh, mais quand on joue une pièce, jouez une pièce et jouez-la intégralement. C'est de même que lorsque vous citez une lettre, citez-la intégralement, ne vous mêlez pas d'y faire des interpolations et des suppressions. Eh bien, quand vous jouez le chandelier, jouez le chandelier tel qu'il a écrit et qui est écrit et tel qu'on l'a toujours joué. Mais je suis de votre avis, il ne faut pas trahir les pièces, il ne faut pas les abréger, il ne faut pas les allonger, mais il faut également que... dans les musées, comme vous dites, comme la Comédie française, on fasse de temps en temps un effort de rénovation, quitte à commettre une erreur. Ouais, bah, enfin, si vous voulez. Moi, je tiens M. Édouard Bourdet pour un malfaiteur dramatique. Voilà. Eh bien, après les auteurs et les metteurs en scène, et les directeurs, qui en ont pris pour leur grade, voici les acteurs qui ont reçu tantôt des coups d'encensoir, tantôt des coups de verge. Ouais. J'ai remarqué que là, comme ailleurs, vous n'obéissez dans vos jugements qu'à vos goûts impulsifs. Ouais. Cette impulsion était souvent très divinatrice. Dès 1912, vous faisiez l'éloge d'Harry Bore. Oui. Alors obscur comédien dans un petit théâtre. Et dès 1915, vous vantiez le talent de Louis Jouvet, élève de Copeau. Oui. Et dès 1908, dans un genre pourtant très différent, mais qui, je crois, vous plaît assez, le genre de la revue, vous complimentiez Mistinguette. Ah, je ne me rappelle pas celle du tout. Eh si, vous dites d'elle qu'elle a une fantaisie très grande, un charme populaire. Oui. Eh bien. Cela prouve que vous saviez découvrir les vraies valeurs, même quand elles n'étaient pas encore reconnues. Et que je n'étais pas figé dans un grand. Non. Ah, surtout, c'est ça qui compte. Cette revue dans laquelle jouait Mistinguette s'appelait « Au bouffe, on pouffe ». Ah, bah, c'est genre... vous voyez, cela vous fait pouffer encore. Ah, bah. Parmi vos acteurs préférés, je relève les noms de Marguerite Moreno. Ouais. Luniepo, dont nous avons déjà parlé. Réjeanne. Ouais. Quand vous dites, elle a créé un genre qui mourra avec elle. Oh, ça, vraiment, cette femme-là avait une personnalité extraordinaire. Denis Dinès. Eh, c'est oui, que vous aviez dit tout à l'heure. Qui est rentré à la Comédie française. Oui. Cécile Sorel. Oui. Que vous défendez contre les colibets dont elle était l'objet. Oui. Tout le temps. Ouais. Songez à la face, songez où a débuté Cécile Sorel. Elle a débuté à l'Eden Théâtre de la rue Boudreau, où est aujourd'hui le, presque l'Athénée, enfin par là, n'est-ce pas? C'était un musical, n'est-ce pas? Eh bien, regardez ce qu'il a fallu que cette femme travaille pour arriver à être sociétaire de la Comédie française et à jouer ce qu'elle a joué à la perfection, car elle était une célimène étonnante. Elle a été une aventurière étonnante. Elle a beaucoup de talent. Bon, moi, je suis plein de considération pour cette femme. Une autre actrice dont vous pensez le plus grand bien, c'est Marguerite Moreno. Oui. Cette étonnante créatrice de rôles où l'intelligence le disputait à la sensibilité. Mmh. J'aimerais que vous l'évoquiez pour nous. Ah, ben, n'est-ce pas, j'ai connu Moreno quand elle était devenue Madame Marcel Schwab. Je l'avais vue souvent à la Comédie française. Je l'avais même vue quand elle était la maîtresse de Catulle Mendès et que moi, tous les 15 jours, j'allais chez mon père à Courbevoie. Et à la gare Saint-Lazare, je voyais Catulle Mendès et Moreno prendre aussi le train pour aller à une propriété que Mendès avait à Saint-Germain. Voilà. Et puis alors, je vous dis, Marcel Schwab est devenu pour ainsi dire, le secrétaire de Catherine Mendès quand il était directeur littéraire au journal, il y a pris les comptes, il a dû rencontrer la Moreno, et alors il y a eu le changement. Moreno est parti avec Schwab, qui a fini par l'épouser. Vous avez sans doute bien des souvenirs à nous raconter sur Marguerite Moreno quand vous alliez la voir assidûment dans sa loge, et que vous lui faisiez la cour. Je crois. Je fais la cour. Ah, vous le dites. Oh, écoutez, mon cher, vous lisez tout de travers. J'ai écrit que Moreno... Je lis ce que vous écrivez, j'interprète peut-être pas mal, mais enfin... J'ai écrit qu'en effet, tous les soirs, j'allais chercher Moreno dans sa loge de Saint-Bernard quand elle jouait la sorcière. Qu'elle changeait de toilette complètement devant moi. Que je la reconduisais rue Saint-Louis-en-Lille jusqu'à sa porte. Et que là, elle me regardait quelquefois... une demi-heure ou trois quarts d'heure, à me dire, mais enfin, Léoto, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas quand j'aurai 60 ans que je ferai l'amour, parce que vous savez que Marcel Schwab, c'est un pur cadavre. Alors, en somme, c'est elle qui vous a fait la cour. Et qu'elle me disait, mais enfin, Léoto, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, qui étais égoïste comme tout, n'est-ce pas, je n'en pensais rien. Je vous disais, je voudrais bien qu'elle rentre, et que je rentre coucher aussi. Voilà. Mais jamais je n'ai fait la cour. Enfin, vous vous êtes laissé faire la cour, ce qui est une façon de courtiser tout le monde. Je n'ai jamais fait la cour à aucune femme dans ma vie. Ah, c'est bien. Mais c'est où ça l'aurait fait? Vous les avez eues comme ça? Par vos charmes? Oui. Maintenant, comme disait de verre, Moreno, extraordinaire. Moi, je l'ai vu jouer. Aricie, c'est l'enfer, Aricie, n'est-ce pas? Oui. Ça va. Impossible de dire ça d'une façon aussi harmonieuse et naturelle. Je l'ai vu chez un sculpteur, un nommé José de Charmois, qui habitait rue du Maine, ce qui est devenu ensuite l'atelier de ce sculpteur de carton qui s'appelle Bourdel. Eh bien... José de Charmois, c'est lui qui avait fait le... Monument à Baudelaire. Baudelaire. Qu'il avait entouré de bandelettes. Oui, oui. Eh bien... Ce qui avait soulevé beaucoup de protestations à l'époque. Moreno a dit un soir, là, le balcon de Baudelaire, les mains derrière le dos, inimaginable. Merveilleuse. Et j'aimerais savoir si cette admiration que vous avez encore, et même cette émotion que vous éprouvez en parlant du talent de Marguerite Moreno, j'aimerais savoir si Sarah Bernard, elle aussi, vous a procuré cette émotion. Non, jamais. Vous n'en parlez pas dans vos critiques, j'ai été très étonné. Ouais. Non. Vous étiez donc du petit nombre qui ne subissait pas son charme. Ah, mais moi, je n'ai jamais vu jouer Sarah Bernard. J'ai été voir jouer une fois à Hamelin, n'est-ce pas? Et je n'ai pas trouvé que... Mais c'est tout ce que j'ai vu de Sarah Bernard. Oui, il ne fallait pas voir Sarah Bernard dans Hamelin, car évidemment, ce n'est pas un rôle fait pour une femme. Ouais. Et Suzanne Després également, n'est-ce pas? Suzanne Després, non. Du reste, Suzanne Després me l'a écrit. Elle m'a dit, je me rends bien compte que ce n'est pas encore... Oui, ce n'est pas ça. Marguerite Moreno est donc pour vous une actrice qui marque davantage... Ouais. Enfin, dans la salle de Chaillot, elle était... Inouï. Vous ne l'avez jamais vu jouer dans les films? Non. Dans les films, au cinéma? Je ne vais pas au cinéma. Vous n'aimez pas le cinéma? Non. Vous le détestez? Ouais. Mais comment le détestez-vous si vous n'y allez jamais? Eh bien, ça suffit. Voilà. Comment condamnez-vous une chose que vous n'avez pas pu juger? Ça me tient. Je vous ai dit que j'ai des partis pris auxquels je tiens. Eh bien, nous allons encore retomber dans des partis pris si nous en venons aux acteurs que vous détestez. Et je suis obligé de constater que, à part quelques rares exceptions, vous unissez les acteurs de la Comédie Française dans la même réprobation. Je parle des acteurs de la Comédie Française, ancien régime enfin, non pas la Comédie Française de l'heure présente. Vous dites pique-pendre de Mounet-Sully. Ouais. L'emphase, ouais. La déclamation, la redondance, l'exagération en personne. Ouais. Il n'y a en lui que de l'élocution et de la mémoire. Et vous pourriez dire la même chose de tous les autres acteurs de la Comédie Française qui ne trouvent pas grâce devant vous. Ah. Sylvain. Vous vous moquez de Sylvain. Je m'excuse, c'est moi qui ai l'air de vous raconter ce que vous avez dit. Je vous le rappelle, puisque vous l'avez oublié. Ouais. Vous parlez de Sylvain qui, annonçant le nom d'un auteur, lequel s'appelle Loison, l'auteur d'une pièce intitulée L'Apôtre, Sylvain fait un grand geste, un léger geste d'envol avec les mains. Vous dites, voilà le lyrisme de la Comédie Française. Il y a ça, Paul Loison. Vous parlez vous-même. Et le jour, je ne sais plus quelle pièce, enfin, il jouait avec sa femme. Alors, je ne sais plus quelle pièce. Alors, au dernier acte, gros applaudissements. Et Madame Sylvain était au bord de la scène avec son mari, n'est-ce pas? Et Sylvain lui a dit, arrière, arrière, capotine, pour être seul devant les applaudissements. Vous l'avez entendu, vous n'étiez pourtant plus dans le trou. J'étais dans le trou. Ah, vous étiez dans le trou. Mais oui, j'étais toujours dans le trou. Voilà. Un jour, on jouait Hernani, oui. Alors j'étais sur la... Pendant la pièce, j'étais sur la scène, derrière les décors, n'est-ce pas? Et il y avait Mounet qui était en scène, qui déclamait tout ça. Et Sylvain qui attendait son tour, il jouait Rue Gomez de Sylvain, Sylvain qui attendait son tour à côté de moi, dit, dis donc, si c'est possible de jouer comme ça. Oh, j'ai vu des choses extraordinaires, là. Vous dites des sociétaires de la Comédie Française? Qu'entre ceux de 1878 et ceux de 1914, c'est exactement bonnet blanc et blanc bonnet. Oui. Vous trouvez donc qu'ils sont figés la tradition. Dans la tradition, oui. Cette tradition que vous ne voulez tout de même pas que l'on essaie de chambouler. Oui. Il est difficile d'ailleurs de changer la tradition sans être un peu révolutionnaire. Ouais. Et puis on doit jouer les pièces de Molière suivant la mise en scène que Molière a créée. Et je trouve que c'est merveilleux qu'il y ait un théâtre pour conserver ces choses-là. Donc, la Comédie Française serait pour vous un conservatoire, le mot serait peut-être plus juste que le mot de musée. Peut-être, en effet. D'ailleurs, la Comédie Française est souvent le prolongement du conservatoire. Ouais. Et je pense que ce que vous aviez apprécié justement le plus chez Antoine, c'était l'effort accompli pour donner aux comédiens le sens de la vérité et leur faire abandonner tous les effets conventionnels de diction et de déclamation. Oui. Maintenant, je vous dirai que même à la Comédie française, on est arrivé quelquefois à jouer le répertoire avec, enfin, plus naturel. En tout cas, vous avez jugé tous les acteurs avec le même éclectisme, qu'ils aient été de la troupe de la Comédie française ou de celle de Bobino. Mais vous ne vous êtes pas plus gêné pour démolir la réputation des vedettes très à la mode que pour tresser des couronnes à des acteurs très obscurs qui, grâce à vous, se sont fait connaître. N'avez-vous pas pourtant l'impression, monsieur Léoto, que vos chroniques dramatiques ont une tonalité générale qui prouve plus de sévérité que de bienveillance? Ne pensez-vous pas que, finalement, vous êtes plus dur que vous n'êtes indulgent et que votre façon de juger avec clairvoyance s'exerce plutôt aux dépens des auteurs qu'à leur profit? Oui, oui, parce que il en est au théâtre comme dans tout, il y a plus de mauvais numéros que de bons. Je suis persuadé qu'on a besoin de critiques très rigoureux, qu'aucune considération de bienséance ou d'intérêt n'entrave, et qui ne craignent pas la rigueur des contre-attaques. Ces critiques compensent ceux qui obéissent à trop de considérations sans rapport avec la qualité des pièces. Je ne fais donc pas le procès de votre façon d'être et de juger, mais je vous demande, si vous n'avez pas mis parfois une sorte de malignité à ne rien épargner. Il est bien certain, quand une chose ne me plaisait pas, j'avais du sarcasme, de la moquerie. Oui, oui, naturellement, n'est-ce pas? Il y a une différence. Moi, j'ai été critique dramatique. Je n'étais ni journaliste, ni auteur dramatique. Je n'avais pas, comme les autres, des services à rendre pour qu'on m'en rende, n'est-ce pas? J'allais au théâtre, n'est-ce pas? Je n'avais pas de principe. Mais vous pouviez parler sans ménagement. Oui, et puis je n'avais pas de principe. Mon principe a toujours été ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Voilà tout. Voilà. Il ressort de vos critiques que davantage de choses vous déplaisaient. Certainement. Mais vous semblez assez lucide quand vous écrivez en 1922. Il paraît que je suis généralement méchant, moqueur, dénigreur, tournant tout en caricature, toujours porté aux critiques les plus vives. On assure que cela tient chez moi aux motifs les plus flatteurs. Je suis envieux, jaloux, aigri, sans respect pour rien. J'ai de petites vengeances à exercer. Je me paie de mes déceptions. Je n'écris ainsi que par dépit. C'est délicieux. Et ma réputation est jolie, comme on voit. Je vous demande si vous ne pensez pas que cette réputation, que je veux croire mal fondée, ne pouvait pas toutefois, par une certaine diligence à railler, ne pouvait pas toutefois paraître à première vue motivé. Ah, écoutez, il se peut que beaucoup de gens aient pensé en effet que c'était les mobiles que j'avais, oui, oui, bah, naturellement, n'est-ce pas? On ne peut pas penser qu'un homme dit carrément son avis sans aucun intérêt, ni même aucune rancune. Je connaissais personne aussi. Je n'avais ni amitié, ni désagrément à satisfaire, rien du tout, non. Mais vous aviez tout de même une tendance de votre esprit qui vous poussait à plutôt dénigrer, oui, à louer. Oui, naturellement, je ne suis pas d'un naturel aimable ni flatteur, voilà, ouais. Il est évident que certains de vos mots, ceux qu'on appelle les bons mots, quand ils sont justement les plus mauvais, pouvaient faire croire à une inimitié particulière contre un auteur, ou même à des représailles. Est-ce qu'il faut vous rappeler deux ou trois de ces saillies d'apparence vengeresse? Je vais le faire pour l'auditeur. À propos d'une comédie, La Dent Rouge, dont je tairai l'auteur. Vous écrivez, c'est une pièce dans laquelle il est sans cesse question d'esprit, sans qu'on voit jamais celui de l'auteur. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez, si c'est vrai? Et c'était vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est votre désir de faire un bon mot au départ d'un auteur. C'est pas de monsieur le Normand, ça? Mais justement, je voulais taire son nom. Vous dites d'un poème dramatique intitulé Psyché, et cette fois-ci, je suis obligé de dire le nom, puisque vous-même, vous l'écrivez. On sait que Psyché n'a jamais existé. Le poème de M. Mouret se conforme à cela scrupuleusement. Eh bien, c'est très bien. Oui, mais on a tout de même l'impression que vous vous laissez emporter par un jeu de mots, par le désir de briller. Mais non, c'est de la critique. Enfin, j'arrête là mes citations, mais je pourrais en faire bien d'autres. Et je voudrais savoir, quels étaient vos rapports personnels avec les auteurs dans ces conditions? Mais Mouret, je voyais à chaque instant Mercure. Et il ne vous en voulait pas de vos facéties à ses dépens? Bon, ça m'était égal, ça. Mais vous avez dû récolter pas mal d'inimitié. Non, c'est rien du tout. Vous n'en savez rien? Mais non, je n'en sais rien. Et pourtant, vous avez vous-même attiré l'attention sur quelques-uns de vos démêlés avec les auteurs. Je ne parlerai que de l'incident qui vous a mis aux prises avec Alfred Mortier en 1923. Oui. Ouais. Alfred Mortier, vous aviez éreinté sa pièce Sylla quelques années auparavant. Ouais. Et après avoir fait une incursion, j'emploie ce mot à dessein car vous aviez une intention belliqueuse, dans le salon de Madame Aurel, vous avez de rechef pris à partie Alfred Mortier. Il déclare qu'il ira vous attendre à une répétition générale pour vous y corriger. Soit dites-vous qu'il ferait mieux d'apporter à ses œuvres. Les protestations publiques d'Alfred Mortier lui valurent ainsi des ripostes foudroyantes. Mais je vous laisse la parole pour que vous nous disiez quel fut le dénouement de cet incident dont vous avez fait la matière d'une de vos chroniques. Oui, ça s'est passé à la cité Mortier, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Mortier a raconté qu'il m'avait sonné contre le mur de la cité Mortier. Il n'y a pas de mur à la cité Mortier. Il m'avait si peu bousculé que ma cigarette n'a pas quitté ma bouche pendant qu'il vitupérait, n'est-ce pas? Il vous avait tout de même pris à partie Il m'a secoué par le bras, comme ça. Oui, et c'est là que je lui ai dit, vous vous appelez Mortier, mais au fond, vous êtes un maçon. Monsieur Alfred Mortier et Madame Morel n'ont pourtant pas à se plaindre du compte-rendu que je leur ai fait. Jamais on n'a autant parlé d'eux que depuis mon feuilleton, ce feuilleton sur le salon de Madame Morel. Je vois partout des échos et des articles les concernant. Les annales ont publié un merveilleux tableau de leur salon. De tous côtés, on nous rapporte des anecdotes à leur sujet. J'en ai déjà tout un petit cahier d'écolier. Il m'en est même venu de la province. Ils n'ont jamais été plus à la mode. Si M. Alfred Mortier faisait jouer en ce moment une tragédie, il aurait certainement quelques spectateurs. Sans me flatter, c'est un peu à moi qu'il le devrait. M. Alfred Mortier publie, écrit, raconte, envoie des notes aux journaux, se fait interviewer et veut faire croire partout qu'il m'a publiquement secoué d'importance, qu'il m'a sonné à trois reprises contre un mur, ce mur n'existe pas si c'est mon tiers. Et que c'est tout juste s'il ne m'a pas laissé pour mort sur le pavé. Il le croit peut-être lui-même. À ce compte-là, il doit être convaincu que l'article qu'il a écrit sur moi dans son courrier littéraire est plein d'esprit. Je le disais, rentrer au Mercure, à Valette et à Dumur. Croit-on que je serais assez bête si j'avais été si maltraité et que 50 personnes l'aient vu pour dire que ce n'est pas vrai? Le plus drôle, c'est que des gens ont cru au racontard de M. Alfred Mortier. On a demandé de mes nouvelles. On me croyait à l'hôpital. Je rencontre, 4 jours après, Carrefour de l'Odéon, l'écrivain tchèque Jelinek. Il a un haut le corps en me voyant. Il me prenait pour un revenant. Je me suis toujours bien porté. M. Alfred Mortier s'est abusé. Il ne m'a jamais assommé qu'avec ses tragédies. Ainsi, Alfred Mortier, pour avoir prétendu vous mettre au pas, s'attira l'une de vos plus féroces moqueries. Si l'on en croit vos contemporains, votre personnalité de critique dramatique ne se manifestait pas seulement par vos comptes rendus. André Billy, qui vous accompagnait très souvent, n'est-ce pas, au général, a écrit « Les habitués des répétitions générales voient apparaître dans une encoignure de couloir, immobile, mais l'oreille tendue et l'œil aux aguets, bien qu'il ait assez souvent l'air de s'immoler, un personnage dont la mise et l'accoutrement font se retourner les petites cabotines effarées. Comment étiez-vous donc habillé pour justifier un semblable jugement? Ah, n'est-ce pas, c'est que je n'étais pas riche du tout à cette époque-là. Alors, l'hiver, je me rappelle que je mettais 2 vestons l'un sur l'autre, et le meilleur était le plus court, alors il y en avait un qui dépassait le sou. Est-ce qu'on n'avait pas dit que vous aviez un habit de critique tout à fait approprié, que c'était un habit plein de reprises? Oui. Mais cependant, un jour, n'avez-vous pas porté un habit, l'habit de cérémonie? Ah oui. Ah ben, j'ai été obligé de me faire faire un habit pour je ne sais quel cirque. Alors, j'ai eu un habit. C'est ce qu'on appelait à l'époque le sifflet. Oui. Ça allait bien pour un critique. Et André Billy dit aussi de vous, au théâtre, il a une attitude qui lui est personnel. Il disparaît tout entier dans son fauteuil. Les mains croisées à la hauteur du menton, la tête inclinée sur le côté, il paraît dormir. Cependant, Sa voix s'élève de temps à autre, soit pour reprocher à une spectatrice l'ampleur excessive de son chapeau, soit pour railler quelques tirades trop ronflantes. Cette autre réputation de singularité, reconnaissez-vous qu'elle est fondée? Oui, certainement. Et ne pouvez-vous nous lire les quelques lignes que vous avez consacrées à l'une de ces manifestations de sans-gêne qui vous exaspéraient au théâtre? Ouais. Le règlement des salles de spectacle n'est pas toujours observé. J'en avais encore la preuve récemment à l'Odéon, où une dame, placée devant moi, arborait un chapeau des plus remarquables. Certes, je sais me rendre compte des choses, et il ne m'échappait pas qu'elle était venue là uniquement pour montrer ce chapeau, qui créait entre nous une certaine incompatibilité. J'osais donc prier cette dame de vouloir bien enlever ce monument, lui assurant qu'elle aurait tout loisir aux entr'actes de faire apprécier les vastes proportions. Ce fut en vain. Je ne pus rien obtenir, non plus que mes voisins. Me fâcher, vous le reconnaîtrez, n'ai pas été d'un galant homme. Je n'insistai donc pas. Madame, lui dis-je seulement, je tiens à vous faire un compliment. Il n'y a vraiment que les femmes pour prendre soin de si bien couvrir ce dans quoi, justement, il n'y a rien. Dans cet esprit de répartie, vous avez donné bien d'autres exemples. Je citerai encore celui-ci. Un spectateur enthousiasmé par une pièce que vous, vous trouvez inepte. Ce spectateur, vous ayant entendu siffler, a l'imprudence de dire « Il y a donc des merles ici ?» Ce qui lui vaut de vous cette riposte, pourquoi pas, il y a bien des serins. Mais n'avez-vous pas toujours éprouvé un plaisir très vif à observer les salles de spectacle? Ah oui, beaucoup. Les gens m'ont toujours intéressé, alors naturellement ça m'intéressait de voir ces gens, oui, beaucoup. C'était pour vous deux fois la comédie. Oui. Dans la salle. Oui. Et sur la scène. Oui. Et la plus vive, c'est quelquefois dans la salle. C'était d'ailleurs votre façon de décrire non seulement les pièces, mais l'ambiance dans laquelle elles étaient jouées, qui rendait vos chroniques si vivantes. Les dons d'observation dont vous avez usé avec une telle prodigalité, souvent au détriment des auteurs, nous ont-ils jamais incité à devenir vous-même un auteur? Je n'ai jamais, enfin, je suis né dans le théâtre, de parents comédiens, eh bien, non, je n'ai jamais senti en moi ni l'envie, ni la capacité de faire une pièce. Vous dites que vous n'en avez jamais éprouvé l'envie, oui. Et pourtant, dans vos chroniques dramatiques, plusieurs fois, vous exprimez le désir de tenter l'expérience. Non, de jouer. Non, d'écrire. Oh. Tout d'abord, oui, j'ai vous ça dites une fois qu'avec Van Bever, vous avez eu l'idée un jour d'écrire un vaudeville en un an. Oui, oh, mais ça. Oui. Vous aviez 20 ans. Oh, même moins. Ah, c'est tout de même une envie. Oui. Qu'elle soit précoce ou non, c'en est une. Et vous dites, nous en restâmes au scénario. Oui. Et vous vous demandez si c'est heureux ou si c'est regrettable. Ouais. Et aujourd'hui, qu'en pensez-vous? J'ai bien fait de m'abstenir. Oui. Vous pensez, en somme, comme Sartre, que ce qui n'est pas écrit, c'est ce qui ne devait pas être écrit, et que quand on a vraiment quelque chose à dire, on finit toujours par le dire. Oui, ça peut se tenir, ça, oui. Mais un autre métier pour lequel vous semblez avoir de l'attirance, vous le dites dans vos chroniques, c'est celui d'acteur. Oui. J'ai plus de velléité, ça, que pour écrire des pièces, oui. Et quels auraient été les rôles qui vous auraient tenté? Les grotesques. Vous avez une voix de tragédien, pourtant. La tragédie, merci. Non, les grotesques. Voilà. Et vous n'avez jamais regretté de ne pas être acteur? Non. Je ne peux pas apprendre par cœur. Et pourtant, vous nous avez lu vous savez par cœur. C'est entré dans ma tête sans étude. Eh bien, les rôles entrent dans la tête. Il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut répéter. J'ai essayé plusieurs fois, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas concentrer mon esprit sur le fait d'apprendre. Et vous avez parfois laissé percer une autre envie, celle d'être critique littéraire, en plus de critique dramatique. Oh, je crois que j'ai évoqué ça en disant que ce serait une autre source de... D'ennui pour vous? Non, et aussi pour les auteurs. Oui. Et quel genre de critique auriez-vous aimé pratiquer? Pas la poésie, évidemment. Puisque pourquoi la poésie, vous en étiez dégoûté, m'avez-vous dit? Ah oui, mais c'est justement, on n'a plus envie d'écrire sur ce qu'on n'aime pas que sur ce qu'on aime. C'est bien ce que je disais, vous êtes donc porté à la malveillance plus qu'à la bienveillance. Mais n'est-ce pas? Par nature. Une chose qui vous plaît, Vous avez tout de suite fini. Et vous pouvez éprouver le besoin de dire qu'elle vous plaît, de faire partager votre approbation. Non, c'est bien, c'est parfait, allez voir ça, c'est très bien. Tandis qu'une chose qui, que vous trouvez mauvaise, c'est très agréable de montrer comme... C'est ce que je fais en ce moment. C'est une tournure d'esprit un peu vicieuse, je dois dire. C'est ce que je fais en ce moment. Je fais de la critique littéraire actuellement dans mon journal. Voilà, je me rattrape, je comprends. Eh bien, mais je ne prends pas des gens à qui je tourne beaucoup de talent. C'est le contraire. Nous pouvons regretter que vous n'ayez pas été critique littéraire. Hein? Parce que cela nous aurait valu certainement des études fort peu banales sur des œuvres qu'on a l'habitude de juger trop intrinsèquement, c'est-à-dire sans tenir un compte suffisant de l'homme qui les a écrites. Or, je sais que vous, c'est l'homme avant tout qui vous intéresse. C'est-à-dire que il faut que les deux soient intéressants. N'est-ce pas? C'est très rare, n'est-ce pas? Parce que la plupart des écrivains sont au fond des gens de bureau, n'est-ce pas? Les romanciers, par exemple, qui écrivent des romans comme ça, en vue d'un prix ou d'un autre, ça n'a aucun... Eux-mêmes, ils n'ont aucun intérêt. Ce sont des gens de bureau, c'est de la littérature de bureau, n'est-ce pas? Mais quand on trouve qu'il y a une connexité complète entre un auteur et ce qu'il écrit, n'est-ce pas, et que ce qu'écrit c'est un message, sa ressemblance même, là c'est intéressant. Mais pensez-vous pas que le propre, le romancier, est justement d'inventer des situations aucun intérêt pour moi. Les œuvres d'imagination ne vous intéressent donc pas? Non, je suis même arrivé aujourd'hui à trouver des choses que j'ai trouvées très belles, la charte de Parme, assommant. Finalement, vous êtes... contenté d'être critique dramatique. Oui. Et vous ne vous en êtes pas plus mal porté, ce sont simplement les auteurs qui, eux, se sont pas mal portés de cela. Oui, ils n'en sont pas morts. Qui sait? Avant d'abandonner ce domaine privilégié de votre activité, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez pris un pseudonyme pour signer vos chroniques. Pourquoi vous êtes-vous appelé Maurice Boissard? Et pourquoi ce nom-là plutôt qu'un autre? Parce que j'avais l'intention de se recacher. Caché sous ce pseudonyme. Et pourquoi vous cachez? Ah, ben, je trouvais ça très bien. Croyez-vous pas qu'à votre époque, enfin, vous êtes toujours de notre époque, mais enfin, que vers 1900, le goût des pseudonymes régnait et que vous avez un peu obéi à cette mode? Non. Ainsi, regardez, n'est-ce pas, moi, mon vrai rêve, ça aurait été de ne jamais signer. J'ai une grande attraction pour, par exemple, la presse anglaise où personne ne signe les articles. Alors, être un homme connu, n'est-ce pas, qu'il est lu, apprécié, et qu'on ne sache pas qui c'est. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de Mademoiselle Dormoy et son vieil ami venant demander à Dumur s'il était M. Maurice Boissard. Non. Ah, ouais. Alors, n'est-ce pas, Mademoiselle Dormoy, qui était jeune fille, lisait de Mercure. Alors, elle lisait les premières chroniques dramatiques, n'est-ce pas. Alors, ça m'a intéressé. Alors, elle avait comme vieil ami de sa famille, un M. Michelot, qui était organiste à Notre-Dame-des-Champs, et en même temps actionnaire du Mercure. Et alors, elle lui dit, eh bien, écoutez, Michelot, quand vous irez au Mercure, tâchons de savoir qui c'est, ce monsieur Boissard. Alors, en effet, une réunion d'actionnaires, Michelot arrive, et il dit à Dumur, dites-donc, ça me fait penser, j'ai à vous demander, qui est-ce donc, ce monsieur Boissard, qui fait les chroniques? Dumur lui a dit, c'est un employé, rien de plus. Eh bien, ça, c'est pas là. Écrire des chroniques, que les gens lisent, et puis n'être désigné comme personnalité un employé. Oui, mais se faire connaître sous le nom de Maurice Boissard ou sous celui de Paul Léoto, c'est la même chose. Ah, même notez que moi, il m'est arrivé... C'est vouloir se faire connaître deux fois, ça. Mais non, il m'est arrivé de recevoir dans mon bureau, pas souvent, deux ou trois auteurs dramatiques, disant, est-ce que je pourrais voir M. Maurice Boissard? Alors, je disais, mais qu'est-ce que vous lui dites, vous voulez? Alors, je voulais enfin lui présenter mes remerciements. Oh, monsieur Boissard ne vient jamais au Mercure, ça va très bien comme ça. Mais la mystification était très vite éventée, tout le monde savait très bien que vous étiez mais au non, Mercure. Mais non, c'est Mirbeau qui a révélé ça. Mirbeau a écrit un jour, je ne sais pas vous, oh, mais je sais qui c'est, moi, Maurice Léoto. Alors, j'ai été foutu ce jour-là. Vous auriez dû changer alors de pseudonyme. Mais vous vous y êtes attaché, accroché, puisque vous l'avez gardé jusqu'en 1939. En 39? Oui, dans les nouvelles littéraires, vous signez des chroniques. Oh, 39, non, mon ami. Si, dans vos chroniques dramatiques. Non, en 39, je n'écrivais pas de nouvelles littéraires. Enfin, les chroniques qui sont datées de 1939 et qui ont été publiées dans vos volumes sont datées oui, de 39. Parce que sont signées Maurice Boissard encore. Elles n'étaient pas signées dans la Nouvelle Revue Française, Maurice Boissard. Elles étaient signées Paul Léoto. Oui, oui. Alors pourquoi les avez-vous mises sous le titre générique Chronique de Maurice Boissard? J'ai mis supplément, mais oui. Je ne l'ai pas. En tout cas, tout cela importe en somme peu, ouais. Mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous avez pris ce pseudonyme plutôt qu'un autre? Parce que c'était le prénom de mon frère et le nom de ma marraine, la société de la Comédie Française qui s'appelait Blanche Boissard. Voilà. C'est pas compliqué. Et vous n'avez jamais pris d'autres pseudonymes pour écrire? Non. Non. Toutes vos autres études dans le Mercure de France étaient signées Paul Léoto. Oui, oui, oui. Pouvez-vous nous redire, car je crois que vous l'avez déjà dit, mais peut-être pas de façon assez précise, à la suite de quelles circonstances, plutôt de quelles manœuvres, vous avez cessé d'être le critique dramatique du Mercure de France, en 1921? Ah ben... C'est sur les instances répétées pendant 3 ans de Madame Rachid auprès de son mari. En disant, ça n'est pas tenable, n'est-ce pas? Léoto et Rhin, des gens qui viennent à mes mardis dans mon salon, n'est-ce pas? Alors, M. Valette, qui était un homme pourtant solide, n'est-ce pas? Et puis, enfin, ça a été 3 ans, il bah, supporte ça, et puis enfin... Il a cédé. La résistance, je m'appelle que j'ai eu une certaine discussion avec lui, parce que Dumeux a fait le siège de Valette aussi en disant « C'est la première fois qu'on a un crédit dramatique qu'on lit, n'est-ce pas ? Et vraiment, vous devriez un petit peu... » Le ménager Non, le garder, oui. Et résister à Madame Rachid. Madame Rachid n'avait pas à s'occuper... Madame Rachid n'a jamais rien eu à faire dans le Mercure. Jamais, jamais. Mais enfin, n'est-ce pas ? Ça, c'était des affaires conjugales. Alors, ce jour-là, M. Valette m'a dit « Écoutez, nous allons créer pour vous une rubrique personnelle. Une nouvelle rubrique pour vous. Vous pourrez y faire tout ce que vous voulez, même encore parler de théâtre si vous voulez. Voilà. Alors c'est là qu'on a fait cette rubrique qui s'appelle Gazette d'hier et d'aujourd'hui, que j'ai tenue assez de temps, je crois. Voilà. Cette gazette dans laquelle vous avez dit tout ce qui vous passait par la tête. Oui, mais je pouvais écrire tout ce que je voulais. Voilà. Et vous avez largement profité de cette permission. Oui, je ne me rappelle pas très bien. Donc en 1921, vous avez quitté. Vous avez abandonné, contraint et forcé, les fonctions de critique dramatique du Mercure de France, mais pas pour bien longtemps. Vous avez repris ces fonctions à la Nouvelle Revue Française. C'est ça. Et là, cette collaboration a duré 2 ans. Oui. Je voudrais que vous nous disiez pourquoi elle a cessé 2 ans plus tard et à la suite de quelles manœuvres nouvelles. Mais je l'ai raconté là-dedans. Non, vous ne l'avez pas encore dit. C'est dans une chronique. Ah, vous l'avez dit dans une chronique, mais vous ne l'avez pas dit ici, devant le micro. J'ai eu à rendre compte d'une pièce de Jules Romain, qui s'appelait M. Le Trouadec. Saisi par la débauche. Saisi par la débauche. J'ai écrit sur M. Jules Romain, n'est-ce pas? C'est que. Enfin, c'est le plaisir de rire, quoi, n'est-ce pas? Surtout qu'à cette époque-là, M. Jules Romain avait fondé au Vieux-Colombier une école de poésie. Donc, oui. Une école de poésie, n'est-ce pas? Vraiment, apprendre aux gens à faire des vers et à être poète, moi, j'avais trouvé ça bouffon possible. Oui, mais vous faisiez la critique de M. Le Trouadec et non de l'école de poésie. Je faisais la critique de la pièce et de l'auteur. Et du moment que j'avais cet excellent motif de vaudeville d'un professeur de poésie, n'est-ce pas? Vous comprenez que je n'avais pas le raté, n'est-ce pas? Et puis de plus, j'avais découvert, et je suis sûr que j'avais trouvé juste, que M. Jules Romain, je l'ai rencontré il y a quelque temps, on nous aurait bien ensemble. Alors, j'avais découvert. Vous n'allez pas dire du mal de lui si vous êtes bien ensemble. Ah mais pardon, je suis à cette époque-là. Vous êtes assez bien avec lui pour en dire du mal. Bon, alors je vous écoute. J'avais découvert que M. Jules Romain faisait cette pièce d'après un canon par lui établi préalablement. Il n'y avait donc rien de spontané. C'était une sorte de laboratoire. Mais comment aviez-vous fait cette découverte? Mais en regardant la pièce, en l'écoutant, et en constatant combien les prétendus mots d'esprit de M. Le Trouadec ne joignaient pas absolument l'action. Jules Romain avait inventé des réparties, puis alors il fallait qu'il rentre. Il les case. Oui. Voilà. Enfin, il avait un côté artificiel. Bon. Alors, j'écris ma chronique, je l'envoie. Vous faites part au lecteur de votre découverte. C'est ça, oui. Mais j'envoie ma chronique alors à la Nouvelle Revue Française à composer. À Jacques Rivière. Et un dimanche, je reçois un télégramme de Jacques Rivière me disant « Il est impossible de publier votre chronique en laissant tout ce qui concerne Jules Romain. » Alors j'ai répondu également par télégramme. Je lui ai dit, si on ne peut pas écrire ce que je veux, je prends mon chapeau, bonsoir, je dis adieu. Et alors, j'ai publié ensuite cette même chronique, parce que de là, je suis passé aux nouvelles littéraires, où j'ai publié alors la chronique sur Jules Romain pour commencer. Voilà. Et votre collaboration aux nouvelles littéraires a duré combien de temps? Oh, je m'en rappelle plus. J'ai eu beaucoup de déboires parce que il y avait surtout Jacques Gain qui était très poltron, n'est-ce pas? C'était un journal, alors ça s'adressait aux petits bourgeois, n'est-ce pas? Alors il fallait prendre des tas de précautions, enfin, voilà. Mais je me suis beaucoup amusé aux nouvelles littéraires, parce que vous savez que les nouvelles littéraires avaient été fondées en réalité par Frédéric Lefebvre, qui avait ça dans le corps, là, le journalisme. Enfin. Et puis, il n'avait pas d'argent, n'est-ce pas? Alors, on avait trouvé Jacques Gain, qui était le fils d'un mirevoitier, qui avait la grosse galette, n'est-ce pas? Et puis Maurice Martin Dugard, le dandy, enfin, etc. Bon. Alors... ça a donc marché comme ça. Il y avait des choses très drôles. Par exemple, un jour, Jacques Gain envoie une lettre à Frédéric Lefebvre en disant, cher ami, tâchez de vous procurer, au plus tôt, une interview de Marcel Schwab. Bon. Marcel Schwab était mort depuis plusieurs années. Seulement le miroitier n'avait pas vu ça. Oh non. Mais je pense que vous avez vu d'autres choses aux nouvelles littéraires. Oui, je ne m'en reviens pas beaucoup à ce moment-ci. Ah oui, et puis alors, n'est-ce pas, Maurice Martin Dugard et Jacques Gain, quand l'affaire a été bien assise, n'est-ce pas, on a un petit peu de clarté. Frédéric Lefebvre. Alors je me rappelle que c'est le mardi que je portais ma chronique Rue de Milan. Alors j'arrive un mardi porter ma chronique et je vois dans un tout petit cagibi tout au fond. Il fallait que je le fasse. Alors je vais lui dire, bonjour, mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, généralement, il trônait enfin, dans la salle de rédaction. Il me dit, les salauds m'ont foutu là. On l'avait. Mais il a pris sa revanche ensuite, car il a fini comme grand directeur des nouvelles littéraires. Oui, chez Larousse. De 1923 à 1939, vous avez continué à être chroniqueur dramatique. Et ce qui a interrompu votre carrière de critique, c'est la guerre. Ouais. Et depuis, vous n'avez pas repris cette activité. Non. Est-ce qu'en ce moment, vous aimeriez retourner au théâtre? Non. Non, c'est fini. Non. N'est-ce pas, je dis sur le théâtre tout ce que j'ai à dire. Merci. Et vous ne vous estimez plus qualifié pour juger les pièces actuelles? Non, ça ne m'intéresse pas. Vous dites que parfois, le vieillissement se matérialise par... une espèce d'incapacité à juger les choses nouvelles. Est-ce que vous avez l'impression de cette incapacité en vous? Non, pas du tout. Mais je... Tenez, j'ai lu il y a quelques jours des choses de Julien Binda que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, Binda fait l'éloge de ce qu'il appelle l'incuriosité. Et il cite même cette chose de Montaigne que je ne connaissais pas parce que je n'ai jamais lu Montaigne. Que Montaigne a écrit, l'incuriosité, c'est l'affaire des bonnes têtes, c'est-à-dire des gens qui ont dans la tête de quoi se suivre. Et à ce sujet, Binda fait compliment à Valérie de n'avoir jamais lu Marcel Proust. Ouais. Et vous faites maintenant l'éloge de l'incuriosité, oui. Après avoir si souvent fait celui de la curiosité. Ouais, enfin, quand un homme a un esprit, un cerveau, qu'il a... Enfin, que ça lui fournit matière à réflexion comme à écrire, il peut se foutre du reste. Oui, mais il est curieux. Permettez-moi de le dire, ce soit justement les hommes les plus curieux, comme Montaigne, comme vous, qui disent que l'incuriosité peut suffire aux bonnes têtes. Mais non! Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas lu un seul des livres qui ont été publiés depuis la Libération. Mais vous vous en vantez ou vous le déplorez? Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc vous n'êtes plus curieux. Je n'aime pas la façon dont on écrit aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas la connaître si vous ne lisez plus. Si, quand je vois un morceau dans un journal. Oh, ce n'est pas suffisant pour juger une tendance d'une génération. Les gens aujourd'hui, n'est-ce pas, d'abord, ils sont envahis par une sorte de fausse philosophie, n'est-ce pas, et puis un jargon. Ainsi, j'ai lu... Alors ça n'est pas de l'incuriosité, c'est du dégoût. Oui. Et le théâtre, pour moi, c'est la même chose. Mais vous pensez donc qu'à l'heure actuelle, on n'écrit plus rien de valable au théâtre? Oh, je ne suis pas loin de le dire, ouais. Alors, vous êtes donc arrivé à ce que vous pensez qui est un défaut, c'est-à-dire une incapacité, permettez-moi de terminer, cette incapacité à évoluer. Vous vous cristallisez à un certain moment et vous niez à votre époque toutes les qualités que vous avez pu trouver à l'époque précédente. Oh, c'est mais l'époque précédente avait des qualités qui sont plus aujourd'hui. De même que le peuple français avait peut-être des qualités avant qu'il n'a plus aujourd'hui. Alors, je ne crois pas beaucoup à ces changements brutaux dans la vie des peuples. Je crois qu'on a toujours eu tendance à trouver la jeune génération moins satisfaisante que la sienne. Jeudi dernier, je lis dans Combat un article sur Balzac d'un nommé Jean-Paul Fouché. Fouché. Eh bien, Max-Paul Fouché. Oui, Max-Paul Fouché. Eh bien, monsieur Max-Paul Fouché, à un moment donné, emploie le mot péremption pour péremptoirement. Mais monsieur Max-Paul Fouché ne symbolise pas toute la génération actuelle. Ah, ils sont comme ça, presque tous. Mais non, puisque vous ne les lisez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Je lis les journaux, ça me suffit de voir le charabia. Les journaux, vous le savez très bien, n'est pas suffisante pour se forger une idée juste. Ah ben, mais je n'ai pas mon avis. En somme, vous avez la curiosité du journal, mais vous n'avez plus celle du livre actuel. Ouais. Vous êtes donc beaucoup moins curieux que quand vous étiez jeune. Bien. Il faut bien l'admettre. Oh, si vous voulez. Si la curiosité n'est plus votre fête, et si vous ne vous intéressez pas à la jeune génération, celle-ci s'intéresse au contraire à vous, et se montre très curieuse de tout ce qui vous concerne. Excusez-moi donc de continuer à faire preuve de curiosité à votre égard. Je vous demanderai de reprendre le cours de votre vie là où nous l'avions laissée, aux environs de 1910. Vous habitiez alors à Fontenay-aux-Roses, dans cette maison entourée d'un jardin que vous aviez loué davantage pour la satisfaction de vos animaux que pour la vôtre. Ce qui était encore, il est vrai, une façon de vous satisfaire. Vous partiez chaque matin pour votre bureau du Mercure de France, vous rentriez dîner à Fontenay, ou plutôt vous rentriez afin de faire dîner vos bêtes, et vous retourniez ensuite à Paris pour assister à des représentations théâtrales. C'est bien cela? C'est ça. Ainsi, vous vous incrustiez chaque jour davantage dans le célibat. C'est ça. Le célibat a toujours été ma première règle de vie. Et vous vous sentiez heureux de cet isolement? Mais certainement. Et aviez-vous l'impression que ce genre de vie était une conquête de votre volonté, que vous aviez façonné cette vie, ou au contraire, quel était le résultat d'un laisser-aller? Non, j'étais comme ça enfant. Alors j'ai poursuivi le même penchant. Vous avez suivi votre pente naturelle? Ouais. Et puis de plus, n'est-ce pas, mon travail m'intéressait avant tout, et ma maison était infranchissable pour maître, si vous voulez. Pas la maison. Pas de femme à la maison. Enfin, en dehors de vos amis les animaux et de cette amie, vous comptiez tout de même des amis parmi les hommes. Ah oui, mais on ne venait pas à Fontenay. Les amis, je les voyais dans mon bureau du Mercure. Et quels étaient ceux que vous voyiez le plus souvent à cette époque? Au Mercure ou aux répétitions générales? Oh, en répétition générale, il n'y en avait pas. Mais enfin, je voyais, j'avais comme relation les rédacteurs du Mercure, les collaborateurs du Mercure. Voilà. Eh bien, j'aimerais que vous nous parliez de Rémy de Gourmont. Ah ouais, j'ai connu Rémy de Gourmont quand j'ai débuté au Mercure. Mais votre entente avec lui était-elle sans nuages? On prétend qu'il avait le caractère très difficile, et comme vous, comme le vôtre n'est pas très facile. Gourmont était l'homme le plus tolérant qu'il soit. Je l'ai raconté du reste dans ce que j'ai écrit sur lui. On pouvait être d'une opinion tout à fait opposée à la sienne, il l'acceptait. Voilà. Tandis que j'ai fait le parallèle avec Schwab, quand Schwab avait une opinion littéraire, si on ne la partageait pas, il avait l'air de vous regarder et on avait la sensation qu'il disait « imbécile ». Tandis que Gourmont, non. Ainsi, quand Gourmont m'a demandé de faire le volume des plus belles pages de Stendhal, je lui ai dit que j'allais composer un chapitre spécial des préfaces de Stendhal qui toutes sont des documents extrêmement intéressants sur l'homme. Alors, il m'a dit, écoutez, enfin, un chapitre composé de préfaces. Je lui ai dit, écoutez, monsieur de Gourmont, c'est ça pas le moins laissé. Il m'a dit, bon, voilà. Et il m'en a si peu gardé rancune qu'on ne tirait pas de volume de luxe de cette collection. Il m'en a fait tirer 3 exemplaires sur Japon pour moi. Vous voyez qu'il était très tolérant. D'abord, il était très tolérant. Je crois que c'est vous qui lui avez fait faire la découverte de Stendhal. Oui. Et qu'il l'aviez attiré au Stendhal Club. Oui, Ouais. Quand je l'ai connu et que je me suis mis à lui parler de ça, là, il m'a dit « Oh oui, j'ai lu de l'amour autrefois, tout ça. » Enfin, je lui en ai parlé, tout ça. Alors, chaque fois que j'arrivais chez lui, là-bas, pour une Saint-Père, alors, il faisait tous les bouquins livres de Paris, il achetait ça. Là. Il m'a dit « Vous voyez, il retrouve encore une édition originale. » Enfin, c'était la passion. Est-ce que vous n'avez pas travaillé avec lui à une étude sur Rivarol? Non, j'ai fait des copies avec lui à la nationale pour Rivarol. Voilà, ouais. Mais Rivarol, moi, je n'ai pas mon homme. Avez-vous le sentiment que Rémy de Gourmont représente un aspect caractéristique de la spiritualité française? Oh, oui, certainement. Enfin, il fait vraiment partie de l'époque à laquelle il a vécu. Mais pensez-vous que son cartésianisme, son scepticisme religieux, son ironie pleine d'érudition puissent ne pas se démoder? Je ne sais rien. En tout cas, elle n'était pas foncière. Qu'est-ce qui n'était pas foncière? Son ironie, son scepticisme. Il y avait un fond de sensibilité, ouais. et de croyance en quelque chose tout de même. Car il semblait nier ainsi absolument quand la tout. Guerre de 14 a été déclarée, il était à Coutances. Il a écrit un mot à Valette. Et dans ce mot, il y avait « C'est tout de même beau, la solidarité ». Eh bien, ce mot, c'était tout de même, enfin, une négation de son scepticisme. En somme, vous trouvez que son attitude n'a pas été conforme à toute sa philosophie antérieure? Oui, absolument. Et vous réprouvez cette attitude nouvelle? Absolument. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de reparler justement de cette attitude de certains écrivains en face de la guerre et du changement que la guerre a provoqué en eux. Je voudrais maintenant vous demander de parler d'un autre de vos amis de cette époque, qui est resté d'ailleurs votre ami, André Billy. Mmh. Comment aviez-vous connu André Billy? Il a commencé par venir me voir au Mercure. Je crois qu'à cette époque-là, il était écotier à un journal qui s'appelait Paris Midi. Oui. Alors, il est venu comme ça, et puis alors il a pris l'habitude de venir très souvent, et enfin, nous sommes liés comme ça, beaucoup. Il vous demandait des informations sur les milieux littéraires où vous viviez? Bon, pas précisément, mais enfin, oui. Enfin, ensuite, ça a tourné simplement aux relations. De... Je crois qu'il citait beaucoup de vos bons mots à vous. Oui. Et c'est comme ça qu'il vous a fait connaître d'un certain public. Oui, parce que j'avais déjà la chronique dramatique, je crois, à cette époque-là. Oui, alors naturellement, il y avait des choses, alors il en donnait des échos, n'est-ce pas? Sur la façon d'ici, donc je recevais les gens, enfin, des tas de choses, enfin quoi. Mais enfin, j'avoue que c'est lui qui a publié comme ça pour commencer des échos sur mon compte, voilà. Et un grand article dans Paris Midi, un grand article qui vous a fait connaître. Non, il a publié un grand article dans Les Soirées de Paris, qu'il avait, je crois, avec Apollinaire. Apollinaire, oui. C'est ça, oui. Ah oui, parce que je l'emmenais aussi avec moi au théâtre. Oui. Il ne faisait pas la critique dramatique. Non. Oui, comme vous aviez deux places, vous... Oui, je l'emmenais au théâtre. Vous faisiez profiter de la seconde. Oui, je me rappelle qu'un jour, enfin, comme il était jeune, et qu'il était récent à Paris, n'est-ce pas? Alors, je crois que nous étions allés au Bouffe Parisien. Alors, on était très en avance, on s'était assis au café de la Régence, là, vous savez où c'est, là, au coin de... Oui. Enfin, presque place du Théâtre Français, n'est-ce pas? Et alors, il considérait l'avenue de l'Opéra, n'est-ce pas? Et à un moment, il s'est mis à dire, comme c'est beau tout de même, cette avenue. Oh, n'est-ce pas, il n'y a rien depuis hideux que l'avenue de l'Opéra. Oh, ça, c'est une opinion personnelle que vous avez. Non, enfin, n'est-ce pas, ces rues, ces tracés d'Haussmann, oui, tout c'est ça, droit, ça ne vaut pas la rue de la Huchette tout de même, n'est-ce pas? Oui, à d'autres points de vue, ça la vaut. Non. Alors, n'est-ce pas, pour moi, c'était très, très, très, très diminué, Rastignac sur la colline du Père-Lachaise. Voilà, j'ai trouvé ça étonnant. Et vous n'avez pas d'autres souvenirs communs quand vous alliez ensemble à ces répétitions générales? Ah, ben si, il en a eu, je vous dis, il en a donné des échos, n'est-ce pas? Oui, parce que quelquefois, je disais mon appréciation tout haut, n'est-ce pas? Oui, il vous a décrit quand vous étiez enfoncé dans votre fauteuil, la mine réjouie ou au contraire furieuse. Ouais. Et est-ce que vous n'avez pas eu à un moment l'idée, une idée d'ailleurs qui n'a pas été suivie d'exécution, l'idée d'écrire une pièce avec André Billy? Oui, mais nous devions écrire une pièce tous les deux. Oui, ça ne s'est jamais fait. Et pourquoi? Ah, pff, j'en sais rien, parce qu'on avait vu ce projet en l'air. C'était un vaudeville, une comédie, un drame? Oh non, c'était pas une vaudeville, nous ne donnons pas dans le vaudeville. Le vaudeville, c'est pour la vie. Le théâtre, c'est les comédies qui entourent ce pont. On a eu cette idée-là, on n'en a rien fait, on avait chacun ses occupations. Ça vaut bien mieux du reste. Et pourquoi ça vaut mieux? On ne sait pas, vous auriez pu faire un tandem très... un tandem. Très apprécié. Ouais. Vous n'aimez pas ce mot-là? Non. Mais vous savez ce qu'il veut dire. Oui, donc, oui. Il a sa signification et sa valeur. Oui, mais vous faites dérailler ce terme. C'est un terme d'automobile, ça. De motocyclette. De cyclisme. Ah oui, oui. Un autre de vos amis du début de ce siècle, c'est André Rouvert. Vous êtes lié avec lui par une très solide affection qui ne va pourtant pas sans quelques accrochages. Je crois qu'être votre ami n'est pas de tourpeau. Vous l'avez un jour expliqué. Je ne dois pas avoir le don de l'amitié... puisque je dis du mal même de mon premier ami. Et vous avez ajouté, il est vrai que ce mal est si justifié. Ah, je ne sais pas si j'ai écrit ça, mais il y a oui, une chose... Oui, vous l'avez écrit. Oui, mais j'ai écrit autre chose, et qui est la vérité. Vrai. Mes amis sont plus mes amis que je ne suis leur ami. Mais ce n'est pas très gentil pour eux. Ah, C'est comme ça. Et quand Valette vous avait demandé de rédiger un article nécrologique sur Schwab, il vous avait recommandé, surtout, ne l'éreintez pas. Oui. Et vous lui avez répondu, d'ailleurs c'est vous qui le confessez, vous lui avez répondu, oh, vous savez pourtant combien il m'est difficile de dire du bien d'un ami. Oui. Donc, André Rouvert fut de ceux que vous avez fréquentés vers 1910. Oui. Je voudrais savoir comment vous l'aviez connu, au Mercure de France, dans les salons de Madame Rachid. Non. Rouvert a été introduit au Mercure par Gourmont, à qui il avait été faire sa cour, n'est-ce pas, je ne sais pas. Enfin, comme je l'ai noté quelque part, on trouvait Rouvert à cette époque-là, le nouveau grand homme trouvé par Gourmont, voilà. Il avait alors publié un roman, Le Silence, n'est-ce pas? Oh non, rien du tout. À cette époque-là, Rouvert publiait des petits dessins dans des journaux comme Le Rire, en fait, des caricatures. Oui, des caricatures, des petits dessins humoristiques. Je vous dirais que... Rien à cette époque-là ne pouvait présager le Rouvert qu'il est devenu. Oui, le Rouvert écrivain. Le Rouvert écrivain et même le Rouvert dessinateur. Et encore plus le Rouvert écrivain. Oui. Son style littéraire se rapproche d'ailleurs de son style linéaire. Oui, mais il est remarquable. Il y a du mordant, de la cruauté, mais aussi beaucoup de vérité. La caricature qu'il a faite de vous, je veux dire, ne vous avantage pas beaucoup, elle est assez vraie. Le style de Rouvert a ce grand mérite, à mon avis, c'est que c'est lui. Voilà. Je me rappelle qu'un jour, dans la librairie du Mercure, il y avait Francis de Niemandre, là, je ne sais pas ce qui m'a pris de parler de Rouvert, et Francis de Niemandre m'a dit, allez donc lui dire d'abord d'apprendre à écrire. Je vous avoue que j'ai spouté une sortie à Francis Yolande. Je lui dis, vous savez, Rouvert écrit à sa ressemblance. Et c'est rare chez un écrivain, car tous, vous faites des élégances. Écoutez, vous avez lu l'introduction au choix de page. Oui. Vous avez vu, c'est remarquable. Oui. N'est-ce pas que c'est remarquable? Et moi, je dis que tous les écrivains sur lesquels Rouvert a écrit, si ces écrivains laissent un nom quelconque, on ne pourra pas s'occuper d'eux sans se reporter à ce que Rouvert a écrit sur eux. L'ouvrage qu'il a écrit sur Gide et Gourmont, Le Reclus et le Retort. Oui, je lui dis. Le titre à lui seul, d'ailleurs, est une trouvaille. Oui, et je lui dis aujourd'hui, c'est vous qui êtes le retort. Oui, car il est. Enfin. Et vous, vous êtes le reclus. Oui, mais, enfin, tout ce qu'il a écrit sur Gourmont, sur Apollinaire, sur Gide, vous savez que. Il a été mobilisé pendant la guerre de 14-18. Il était à Nice, très malade. Très malade, au point d'être si malade qu'un jour, il a dit au médecin, « J'exige que vous me disiez pour combien de temps j'en ai encore. » Le médecin lui a dit, « Après-demain, vous ne serez plus là. Voilà. » Eh bien, je pense que c'est... Certainement qu'il y en avait les moyens en lui, mais enfin, je pense... C'était le choc. Oui, je pense que cette espèce d'existence d'homme presque moribond, c'est la transformation. Vous pensez, comme Charles-Louis Philippe, que la maladie ouvre l'âme? Oui, à condition qu'il y ait quelque chose, hein? Évidemment. Oui, ça développe. Oui, ça ne peut pas créer ce qui n'existe pas. Absolument. Et Rouvert avait en lui certainement l'étoffe de l'écrivain de grand talent. Oui, il a un don d'observation. Du reste, même ses dessins, n'est-ce pas? Même ses dessins, c'est un don d'observation prodigieux. Il est cruel, n'est-ce pas? Ça n'a pas d'importance. Une dessinatrice dont le talent n'a aucun rapport avec le sien a été en relation avec vous. Je veux parler de Marie Laurencin. Ah oui. Et c'est justement vers 1910-1914 que vous avez eu avec elle des rapports au sujet d'un caniche. Ah oui. Et j'aimerais que vous rappeliez l'anecdote. Vous lui aviez donné un caniche. Oui. Qui avait été trouvé et finalement ce caniche ne lui a pas plu, ne l'a pas trouvé assez joli. Oui. Et l'a rendu à la personne qui l'avait trouvé. Ah oui. Et je crois que c'est à cette occasion-là qu'elle m'a donné son portrait par elle-même. Oui, pour apaiser votre colère en puissance. Oui. Et je l'ai vu, ce portrait, dans votre maison de Fontenay. Oui. Vous savez, c'est la première manière de Marie Laurencin, ça. Moi, j'ai été très longtemps m'apercevoir qu'un bras qu'elle a comme ça, n'est-ce pas? Je croyais que c'était un ruban qui pendait de la tête. Vous n'aviez pas regardé très attentivement le cadeau qu'elle vous avait fait. Ah non, c'était sa passion de dessiner qui était bizarre. Oui. Enfin. Une autre personnalité, je crois, la plus marquante de son époque, c'est celle d'Apollinaire. Ouais. Et c'est elle que je voudrais maintenant aborder. Vous avez bien connu Apollinaire. Oui. Et je voudrais savoir tout d'abord comment vous l'aviez connu. Je l'ai connu au Mercure. Vous l'avez connu au Mercure, mais il n'était pas rédacteur. Non, je l'ai connu au Mercure, comme ça. Je vous ai raconté la façon dont je l'ai fait rentrer au Mercure. Non. Ah. J'habitais à cette époque-là, ça remonte bien avant Fontenay, j'habitais passage Stanislas. J'avais 3 chiens. Et tous les soirs, je sortais mes chiens sur le boulevard Montparnasse. Et un soir, je croise Apollinaire. Nous sommes bien restés 1h30 à aller du boulevard Raspail à la gare du Luxembourg, de la gare de Port-Royal. Oui, oui. Et revenir, et retourner, et revenir comme ça. Et je lui dis, mais enfin, pourquoi n'envoyez-vous pas des verres au Mercure? Et il me dit, il y a longtemps que j'ai envoyé des verres, je n'en ai pas de nouvelles. Ah. On avait refusé ces verres. Non! N'interprétez pas. Il envoie des verres, non, il n'en a pas de nouvelles. Je pose une question, je n'interprète pas. Non. Alors, le matin, j'arrive, je devais monter tous les matins, prendre les papiers de mon service, chez M. Levet, à la salle de rédaction. Et alors, je vais au casier des manuscrits à lire, je cherche, et je trouve la chanson du Malinet. Et je me mets à la lire, là, dans le coin. Je vous dis, j'étais transporté. Et M. Valette était là-bas, à son bureau, dans l'autre coin de la grande salle. Et je lui dis, vous savez, Monsieur Valette, qu'il y a là des vers d'Apollinaire qui sont remarquables. Et Monsieur Valette m'a dit, de loin toujours, mais c'est déjà la case des manuscrits acceptés. Et ils ont parlé. C'est en somme vous qui avez révélé la chanson du mal-aimé. Oui, du reste, dans le volume, elle m'est dédiée. Oui. Et je ne savais pas l'origine de cette dédicace. Vous avez dans votre journal, le 17 novembre 1908, vous avez parlé d'Apollinaire, et vous l'avez décrit de cette façon très raccourcie, il a une physionomie en cul de poule. Et je dois dire que derrière cette moquerie, derrière cette caricature, il y a beaucoup de vérité. Et votre portrait littéraire se rapproche beaucoup des portraits caricaturaux faits par Vlaminck et Picasso. Ah ouais. Il y a là un raccourci véritablement étonnant. Ouais. Il a tout à fait, il y avait une figure en cul de poule. Le premier mardi que je me suis trouvé avec Apollinaire, un mardi du Mercure, Apollinaire s'est collé devant moi de profil. De profil, n'est-ce pas? Oui. Il a mis un doigt sur son manteau et il me dit, regardez, j'ai le profil de César. D'abord, une façon de faire connaissance. Vous avez entretenu avec lui certainement une très belle amitié. Je dis belle amitié parce que, à l'annonce de sa mort, vous avez écrit à Rouvert, je l'aimais tendrement. Comme homme et comme écrivain, je suis plein de chagrin. Oui. Je voudrais savoir ce qui vous avait attiré vers Apollinaire. Était-ce la lecture de ses œuvres, c'est sans doute cela. Oui, oui, oui. Sa personnalité singulière, mais les deux, sans doute. Oh oui, certainement. Et puis, enfin, le charmant garçon qu'il était. Est-ce que vous éprouviez, en le lisant, cette impression de charme que vous avez procuré certains poèmes de Verlaine, et en même temps celle de fantaisie par laquelle Cocteau vous avait séduit? Mais enfin... Vous n'avez pas l'impression que le charme, justement, et la fantaisie sont réunis sous la plume d'Apollinaire? Oui, je vous dis que quand j'ai lu pour la première fois la chanson du mal-aimé, qui n'est pas ce qu'elle est dans le volume, car il l'a gâchée, j'ai été transporté, cette espèce de bohémianisme, d'étrangeté, d'équivoque. Et en même temps de réalisme. Oui, et d'équivoque, n'est-ce pas, un soir d'une ville brune à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour, vint à ma rencontre, et me fit baisser les yeux de honte, n'est-ce pas, il y a là quelque chose de malsain, n'est-ce pas. Oui, et c'est assez normal, d'ailleurs, que l'écrivain qui avait écrit Le Petit Ami, c'est assez normal qu'il ait aimé la chanson du mal-aimé. Oui, car entre le mal-aimé et le petit ami, il y a certainement des points de ressemblance. Enfin, il y a vraiment, n'est-ce pas, genre, il y avait tout de même quelque chose de nouveau dans ces vers-là. C'était Entretien avec Paul Léoto, propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léoto, Robert Mallet, dans une réalisation de Georges Godbert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale en février 1951. Ils sont édités au Mercure de France. Demain, la suite.